jamais ne vieux vie des vies qui ont pas connaître. Quand il bat ça t'inquiète au malhonnête. Vendre drogue en accueil des touristes sous chaque honnête. On pas qu'à vendre moi, on pas besoin ça. Pour vendre l'album en savon, l'on besoin ça. On sait l'exemple de sortie d'en bas. Rivez loin, puis loin, qui véranda. Mandez-moi pourquoi y'on veut tuer moi. Simplement parce que femme y'on veut bouer moi. On qu'a fait bonne avance, on est comme à part. Qu'a risqué de barrer en vie sous ses moi. Mon connaître qui coulait la lune, donc a dormi de wall. Tout petit m'en fait un choix de vie qui fait couler toute la maman oh. Ah bah parce qu'on qu'avance la rue, qu'on connaît la rue mais qui moins. Moi un des frères qu'avance en mi pour un plus tout pour un frère. Parle de chop maman qu'a galé et qu'on m'allé reste toute la journée. Ça grâce à toi qui ça océan salope et point. La rue sale, la rue vraie, la rue mauvaise. La rue triste, la rue pleine, j'ai qu'à tourner. La rue piège, qu'a fait en coin, qu'on qu'a prié. L'homme encore trop fait. Passer de ménage en ménage. On aménage, on déménage. Divorce invisible, bénard difficile. Rêve de fusillade, je rêvais domicile. Beau papa à la main légère. Moindre occasion, je nique sa mère. Couteau qui vole dans le salon. Je vais planter ce PD, faire couler son sang. Maman connaît ma folie. Fidèle à toi jusqu'à jamais. Mal sur toi, on m'aura dit. Tiré sur eux, oui, je suis prêt. Traumatisé par une vie sans repère. J'ai connu la rue, j'en ai fait une belle mère. J'étais mon amour, à jamais à toujours. Ah, ah bah parce qu'on qu'avance la rue, qu'on connaît la rue, mais qui moins. Moi, un des frères qu'avance, ça m'y pour un plus tout pour un frère. Parle de chat, maman, qu'a galé, et qu'on m'allait reste toute la journée. Ça grâce à vous, à tout ça, océan, salope et point. La rue sale, la rue vraie, la rue mauvaise. La rue triste, la rue pleine, j'ai qu'à tourner. La rue piège, qu'a fait en coin, qu'on qu'a prié. L'homme encore trop fait. Ah. Bal qu'a pété, mon la camorée. Calais nous qu'a descendre en soirée. Moi, un bon moto qu'on a momi. Challenge à tchad, on va qu'à sourire. Privé à dame, on besoin pour me. Physique à bas, on vit déconner. Salope qu'a ouais, ça y'a qu'a mouillé. Qu'on sent Jacques, ok, bon cochonné. Le lendemain, t'es ma katouné, mon baga bien songé, tout ça m'a fait. Sans les souliers, moi j'ai séché, d'autres ni un petit qui prend un coup de fer. Mon Dieu sauvé mes plusieurs fois, moi pas réalisé. Mon baga pète froid, faut pas dramatiser. Ah bah parce qu'on qu'avance la rue, qu'on connaît la rue, mais qui moins. Moi un des frères qu'avance, ça m'y pour un plus tout pour un frère. Parle de chop, maman qu'a galé, et qu'on m'allait reste toute la journée. Ça grâce à vous, à tout ça, océan, salope et point. La rue sale, la rue vraie, la rue mauvaise. La rue triste, la rue pleine, j'ai qu'à tourner. La rue piège, qu'a fait en coin, qu'a prié. L'homme encore trop fait. Ah.